L'émergence de l'idée de plainte dans les études sur le bruit est une préoccupation relativement récente et constante pour Dominique Aubray, chercheur au CSTB. Je suis tombé sur un article du JASA, le journal de Société Acoustique Américaine, qui utilise précisément la plainte à un niveau tout à fait élémentaire. Il s'agit de dénombrer le nombre de plaintes, de mettre cela en relation avec des mesures techniques qui sont faites, et d'en inférer qu'il y a une gêne plus ou moins grande, et on met à ce moment-là en relation un type de plainte particulier avec une source de bruit particulière. Et ce JASA, il date de 1930, c'est pas d'hier. Simplement, presque dès le départ, deux questions se sont posées au sujet de cette utilisation de la plainte. Ce sont celles de la validité et de la fiabilité de cet indicateur de gêne. Alors, en ce qui concerne la validité, on a fait deux objections. Lorsqu'on a fait des études où on allait sur place pour vérifier justement, on s'apercevait que autour du ou des plaignants pour lesquels on avait une trace écrite, on s'apercevait qu'il y avait d'autres gens qui étaient gênés par le bruit, mais qui ne s'étaient pas manifestés. Que signifie cette sélection? Est-ce que la personne qui se plaint est représentative de l'ensemble, ou est-ce qu'on est en face d'une sorte de démarche particulière qui serait les plaignants par rapport aux non-plaignants? Difficile à trancher. Autre objection qui pouvait être faite, lorsqu'on regardait comment se distribuaient les plaintes sur une carte, on observait des phénomènes de concentration spatiale et temporelle. Et si on allait regarder de plus près les différentes lettres, dans certains endroits, il y avait une accumulation de lettres qui n'avaient qu'un seul auteur. Comment accorder le même poids à 20 lettres émanant d'une seule personne à une lettre émanant de 20 personnes en différents sites? L'autre problème qui se posait, c'était bien sûr celui de la fiabilité, c'est-à-dire de la reproductibilité. Avec les mêmes circonstances extérieures, la même production de plaintes. Ce qui fait que, très rapidement, le recours au dénombrement des lettres qui sont reçues a été, sinon abandonné, du moins laissé de côté, comme non fiable. Un auteur américain note dans un bouquin que les plaintes ont tendance à disparaître quand les gens commencent à sentir que la situation est sans espoir. Ce qui fait qu'on pourrait très bien croire que la gêne va décroître, alors qu'en fin de compte, la situation n'a pas changé. En plus, ce genre de plainte est très sensible à la sollicitation. Il suffit de faire une campagne pour que, aussitôt, on ait une recrudescence et que la campagne s'arrête pour qu'il y ait une chute brutale. Avec sans doute d'ailleurs des modulations ultérieures, puisque l'État étant sans doute moins généreux ou je ne sais quoi, le pourcentage de participation moins généreux, le pourcentage de participation ayant diminué, le nombre de plaintes aussi ne suivait pas. Alors ça, c'est une première période de la plainte. Ensuite, on n'a pas considéré la plainte simplement comme un indicateur, mais comme un objet en soi, c'est-à-dire avec un contenu, une forme, des mécanismes. Ce qui suppose aussi de considérer la plainte non plus tellement comme produit, mais plutôt comme catalyseur, analyseur, diraient les gens de l'analyse institutionnelle, comme symptôme. À partir de là, on a cherché à repérer et à identifier les facteurs qui peuvent exercer une influence sur l'apparition de cette nouvelle plainte, entre guillemets. On a pu constater qu'il y avait eu une transformation des rapports sociaux. Autre facteur qu'on a observé, ce qu'on peut appeler, disons, en gros, l'influence sociale. L'influence sociale, ça peut se traduire par l'influence que peut exercer ce qu'on a appelé les leaders d'opinion. Alors un leader d'opinion, ça peut être un individu, ça peut être une association. Et enfin, un autre facteur qu'il ne faut pas négliger, c'est l'apprentissage. Je dirais perceptif. On peut l'appeler aussi autrement. Par exemple, sensibilisation. C'est qu'effectivement, il y a une sorte d'apprentissage d'une nouvelle forme sonore. Et à partir du moment où une nouvelle forme sonore est acquise, elle est repérable dans un bruit de fond, ce qui fait que même lorsque, au niveau de la mesure, il semble avoir disparu, elle reste quand même comme référence, et il suffit de peu de choses pour la faire réapparaître. Mais il y a un autre type d'apprentissage, j'appellerais ça une sorte d'apprentissage social. Il s'agit de mettre à la disposition des gens des outils pour appréhender leur environnement. J'ai même apporté un facteur d'apprentissage ici. Le bruit détruit, Grenoble agit. Tout sur le bruit. Et puis bien sûr, coucher le bruit. Voilà. Ça veut dire que dans toutes ces publications, on leur dit comment il faut se plaindre. Avec quel langage ils vont être entendus. Ensuite, on leur a communiqué quelles étaient les normes. Autrement dit, en deçà de quoi et au-delà de quoi il était possible de se plaindre. Et enfin, on leur a donné des raisons de se plaindre. On leur a parlé de qualité de la vie. On leur a donné des valeurs. Autrement dit, on a créé tout un système à l'intérieur duquel ça va marcher. Ces facteurs-là, c'est ce qu'on pourrait appeler des facteurs amont. C'est-à-dire que ce sont des facteurs qui interviennent avant. Il y a des facteurs aval aussi qui jouent un rôle. Dans les différentes études qu'on a faites, j'en présente deux. Un qui est un facteur de cohésion sociale et l'autre que j'appellerais d'identification sociale. On s'est aperçu qu'en fait, la plainte était utilisée comme une sorte d'action de fédération des gens. Dans un milieu où les risques d'éclatement social, pour tout un tas de raisons, risquent de faire éclater la communauté, lorsqu'il y a une sorte de leader qui a un certain pouvoir, le recours à la plainte pour un bruit extérieur, pour un bruit particulier, va servir de facteur de cohésion. En ce qui concerne l'identification sociale, on peut constater aussi que certains individus vont se plaindre de certains bruits et pas d'autres, soit pour ressembler, soit pour se différencier. Autrement dit, la plainte, elle a aussi une fonction d'organisation de la société. Autrement dit, ce n'est pas simplement la réponse à quelque chose qui existe en dehors d'elle et avant elle, c'est quelque chose qui se construit collectivement.